Bonsoir, c'est bon, je pourrais trouver un barman. Ça fait 2 minutes que je suis là, je pète la soif et... Ah bah, c'est bon, je l'ai vu, merci. Hey, barman, sers-moi un bourbon rancher sans orange juice. Ce soir, on pousse le plus sur la banquise. J'ai posé nos puces, donc passe la tease. T'as pas su, avant de kicker, une verbale souris. Je me gargarise, j'aime appliquer, me mettre la triche. Je suis psychotique, paramétré au gigantisme. Pas le temps d'être gangster, ni imposteur. Je consterne le sémantique, le postérieur sur la chaise. J'ai pris ton pire antérieur, le confie à ma chair. J'essaie de pas être chef du système, la FM livre. Plus de rêves qu'elle ne prise de chaîne. Les fêtes, mode et partout, les mythos, leur parcours. C'est la Star & Co Academy. Les ados sur les coups de voix, la voici. T'as des crampes, remplis ce verre clean. J'ai vaincu la routine à la place des cousines, des cousins à l'usine. Putain, un océan, une mer, traversé pour rien. Pas là pour être en chien, mais pas là, je les enchaîne. Quel que soit le concept, je bats tes conseils. Gros surtout pas, tu piques les sons du grenier. Pour être premier, t'es même pas DJ. Toi, dans notre QG, laisse ton budget, je suis pas ton sujet. MC, jette-toi dans le vide. J'ai pas envie de me salir, j'allie valider. Te voir périr, tu crois que ça me fait rire? La goût, live, les tragédies, un goût d'ail, périmé. Primer leur audace, leur tragédie dans la masse. C'est ça qu'il reste ghetto, et qu'il a des gros. Les temps d'avoir du mérite, j'aime pas le banal. Faut que la voix colle à la robe, avec ou sans balade. Oh là là, ma tante, elle a des mandales. Ma bande est hâle, remballe tes dates, celle-ci. J'ai débranché PC, et plus j'ai de programme, t'es pressé. Tâtez mon combo, goûtez mon colombo. Nous c'est le loco, le bouga de flow. Oh, il de go, de coulot, dit chaude. Hey, barman, il manquait de chaud. J'crois que j'parle pour rien, j'suis chaud, bourré. J'balance la purée, un freestyle corsé, comme tu donnais. Manique l'établissement, parce qu'elle bille ne ment pas. Telle une brosse de comptoir, je couche le pestard. Pas dans mon chic, mon genre, mais dites mon genre. Quand je quitte mon genre, c'est Elle qui le nique. Jamais cru. Putain, c'était la fin.